À 9h30, Isadora Darcial se replonge dans les classiques de l'antenne, ces raretés qui ont longtemps rythmé nos ondes et qui ont fait la singularité de Radio Nova. Aujourd'hui, on se plonge dans les années 90. Nova. Les Nova classiques. Alors, notre Nova classique aujourd'hui, c'est African Border de MC Jamalski, un morceau qui nous replonge dans les 90s avec le MC américain Jamalski, Jamal Mitchell à la ville, et comme le rappeur Nas, fils d'un jazzman. En effet, son père, Léo Mitchell, a été pendant des années le batteur de Chet Baker. Jamalski, ex-membre du groupe Boogie Down Production, où il officie en backup de KRS-One, sort en 1993 sa première tape, Roughneck Reality, sur laquelle on retrouve le titre African Border, un titre ragamuffin. Et cette même année, le MC américain sera invité en France et se produit aux côtés de DJ Kehops et de Cut Killer, qui à cette époque anime sur les ondes de Radio Nova le Cut Killer Show. C'est par ce biais que les Français connaîtront assez tôt les performances de ce MC hors pair. En 94, Jamalski monte la première soirée Jungle au Village à New York. Il part ensuite s'installer sur la West Coast. Il sera très active au milieu, au cœur de la scène rave. Le plus punk des toasters, qui se fait appeler le Roughneck Jamalski, est un véritable activiste de la scène jungle, raga, drum and bass depuis plus de 20 ans. Il vivra un temps en France, d'ailleurs, dans les années 2000, et repassera souvent par les studios de Radio Nova, des Nova Mix aux Nuits Zébrées. Ceux qui étaient à Montpellier en 2005 s'en souviennent. Le MC américain et notre Nova classique ce lundi, Jamalski, African Border sur Nova. I say me love reality. Me sit on party reading with the God Almighty. Me no want no 9mm, me no want no Uzi. The only thing me want is pure reality. So come make we talk about King Selassie, Malcolm X and Marcus Garvey. Cause yes, the Jigolo Jamal know the Holy Trinity. This is a move, this is a move to the African border. Love song, God, you know they get out the order. If you come test, judge, I know you get slaughtered. Let's send a vibration. To build a better nation for the young generation. No time for hesitation or passive contemplation. This is a situation that needs some more attention to start the dissection of the fascist dictation. Yes, the Jigolo Jamal, I'll go teach a young nation. So hold up your one because you love Africa. Shout it out because you love your culture. Ready, you're ready, you're not hot, you're hot. Put down the gat and put down the clock. Put down the nine, put down the Uzi and pick up the books from the Holy Trinity and learn about your roots and your ancestry. Yeah, learn up the vibes about Egyptology. This is a move.